Hallelujah. Ah, vous êtes bien. Vous êtes bien, bien aimé. Yango bosananga bien aimé. Mais ko bosana Yesu te. Tango ko bima wa bosana na yo sœur Laure. Bosana papa Christian. Bosana bande ko nyonso. Kasi ko bosana Yesu masia te. Yenda ko ki ko affecté bon moi na yo. Pe otika la lolenge mo kote. Azanzambe. Yenda pesa kama kasi bien aimé. C'est pourquoi lobi que le faible dise qu'il est fort. Na bolembu na yo loba na zamakasi. Poeta Zalin Zambé. Oh, merci Jésus. Tikanga na gumba melanzambo yo. Aza bien. Asa la ranga bien. Ah, aza bien.